Commençons le parcours à Seyssin vers le futur terminus de la ligne C. Les oiseaux, des véhicules isolés et quelques travaux d'entretien composent un paysage calme dans lequel chaque son trouve sa place avec toute son individualité.